إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد العمل بالبدعة يخلو من التطهير والتزكية. Les actes d'innovation que les gens font, les innovations que les gens font, eh bien, ne contient pas de quoi purifier les âmes, le fort intérieur des gens, les musulmans. العمل الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى لا يؤثر في النفس بالتزكية والتطهير لخلوه من مادة التزكية التي هي موجودة في الأعمال التي مشروعة ويأذن الله بفعلها. Donc, les actes, les œuvres que les gens font, d'accord, les œuvres que les gens font, qui ne sont pas dans la législation d'Allah, c'est-à-dire les innovations religieuses, d'accord, ils veulent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec une œuvre, avec un acte qui n'est pas, qui n'est aucune preuve, ça n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ni ne l'a ordonné, d'accord. Donc il n'y a aucune preuve sur cela. Donc, l'innovation religieuse, vouloir faire une œuvre pieuse afin de se rapprocher d'Allah en espérant que ce soit accepté par Allah, alors qu'il n'y a aucune preuve sur cela, eh bien, cet acte d'innovation ne mène à aucune purification de l'âme. D'accord ? Parce que elle n'a pas ce qui purifie l'âme. Qu'est-ce qui peut purifier l'âme d'un individu ? Allah Azza wa Jal a légiféré que les actes qu'il a légiférés, d'accord, eux contiennent la purification. Eux contiennent la purification. إذا الإنسان أخذ بهذه الشريعة كانت سببا لتزكيته وفي طهارة قلبه واستقامة حياته واستقامت قدماه على الصراط المستقيم. Si l'individu prend donc, agit sur la législation d'Allah, eh bien cela est une cause pour la purification de son âme. Et le fait que sa vie se mettra sur la voie droite, et donc lui se mettra à suivre la voie sur laquelle était le prophète Hassan et Sahaba. Ma shara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala fil ibadat, fihi maddatu tazkiyah wa maddatu tathir. وأما العبادات التي يخترعها العباد فإنها تخلو من مادة التطهير ومادة التزكية. Donc ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, ça contient en fait, entre guillemets, les ingrédients pour la purification de l'âme. Ce qu'Allah a légiféré contient les ingrédients pour la purification de l'âme. Tandis que les actes d'adoration que les gens inventent, d'accord, ils ne contiennent pas cet ingrédient-là qui vont faire que il va y avoir une purification de l'âme. انظر مثلا الى ماده التغذيه كيف اوجدها الله رب العالمين في الحبوب والثمار واللحوم فكانت في اكل هذه انواع غذاء للجسم ويحفظ عليها. Regarde ce que rien que dans la nourriture. Là on parle en termes de nourriture. Vous voyez ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu licite ? Ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu licite. Pour se nourrir, il y a dans cela de quoi préserver son corps. Dans ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré et dans ce qu'Allah Azza wa Jal a permis et a rendu licite en termes de nourriture, il y a dans cela une nourriture correcte pour le corps, que ce soit de la viande, que ce soit les dattes, que ce soit rien, il y a la nourriture qui est licite. Ça ne va apporter que du bien pour le corps. D'accord ? لو أن الإنسان أهمل هذه المادة التي جعله الله رب العالمين سببا لتغذية الجسم وذهب يأكل الحطب ويأكل التبن ويأكل الخشب ويأكل العظام، لو أنه فعل ذلك فإنه يكون مؤديا بجسده إلى الهلاك، لأن هذا التي آت به لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا لتغذية الأبنان الأبدان. Regarde par exemple, vous voyez Allah عز وجل a les rendu licite de la nourriture ce qui est licite. C'est un bien pour le corps lorsque l'individu va se nourrir de cela. Ça va le préserver et il va être en bonne santé. Lorsqu'il délaisse cela, imaginez un homme qui va délaisser toutes ses nourritures licites et qui va se mettre à manger des pierres, du charbon, du foin, de la terre, du sable. Il délaisse ce qu'Allah a rendu licite et il va se mettre à manger du sable, de la terre, des pierres, du charbon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mener son corps à sa perte, à sa destruction. D'accord? Sans pour autant que ce soit illicite, comme l'alcool, non. Ce qui mène à un mal, En lui-même est interdit. Voilà, c'est la règle. Ouais. Donc, l'exemple qui est donné, c'est pour qu'on comprenne celui qui agit avec innovation. Les actes d'adoration qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré, il y a dans cela les ingrédients pour une purification. Parce qu'Allah Azza wa Jalla agrée cela. Allah Azza wa Jalla, il est juste, il est bon, il est miséricordieux. Il est le tout miséricordieux. Il veut le bien pour toute l'humanité. Lorsqu'il a créé les gens, il ne les a pas laissés comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Ou des hommes préhistoriques en train de se taper avec des bâtons sur la tête. Subhanallah. Non, il leur a envoyé des prophètes et messagers pour leur montrer la voie du paradis. Afin qu'ils adorent Allah Azza wa Jal, qu'ils ne lui associent rien et qu'ils suivent le prophète et messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'ils font cela, ils auront, d'accord, ils s'échapperont de l'enfer, Inch'Allah, et donc ils rentreront au paradis. Donc l'individu, on avait dit que Allah Azza wa Jal a fait que dans la nourriture qu'il a créée, qui est bon pour l'individu, d'accord, telle que la viande, et la nourriture licite, d'accord, la nourriture licite. Eh bien, si l'individu le mange, ça va être un bien pour son corps, ça va préserver son corps. Si l'individu se met à délaisser cela, d'accord, si l'individu se met à délaisser cela, il ne veut plus manger tout cela, et il va se mettre à manger du sable, à manger de la terre, à manger des pierres, à manger du foin, à manger du charbon. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mener son corps à la destruction. D'accord? Al-amal bil bid'a ka taghdiyat at-turab wal hatab wal khashab wal tibn. Al-amal bil bid'a 'amalun bimadat takhlu min at-tathhir wa at-taskiyah. Donc l'acte dit de l'innovation, celui qui invente quelque chose, un acte d'adoration, il veut inventer ça pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Il ne va pas, il n'y a pas les ingrédients dans ce qui est inventé, parce que ça n'a pas été légiféré par Allah. Il n'y a pas l'ingrédient qui fait que ça va mener son corps à la purification. Non, c'est comme celui qui délaisse les choses bonnes qu'Allah Azza wa Jalla a créées, a rendues licites pour ses créatures. Il va délaisser toutes ses bonnes nourritures. Il va délaisser tout ce qu'Allah a légiféré. Et il voudra inventer. Et en inventant cela, même s'il croit qu'il se sent bien lorsqu'il fait cela. Même s'il croit qu'il se sent bien lorsqu'il fait cela. D'accord? Ça, c'est juste pour un instant. Et après, c'est juste des regrets. D'accord? Ça, c'est juste pour un instant. Et après, c'est juste des regrets. Eh bien, celui qui délaisse ce qui est légiféré et qui se met à inventer, c'est comme si qu'il se nourrissait de terre, de pierre, de trab, de sable, de charbon, de foin. Vous voyez? Il ne va pas mener à la purification de son corps. Eh bien, l'innovateur, en délaissant ce qu'Allah a légiféré, en inventant dans la religion d'Allah, il ne va pas purifier son âme. Mais il va mener son âme à la destruction, à l'égarement, et à la dureté du cœur. Plus il va s'enfoncer dans son innovation, moins il acceptera le conseil. C'est pour cela que lorsque vous voyez des gens en train de faire des innovations, par exemple, les gens lisent le Coran en groupe, ou font du dhikr en groupe, d'accord ? Comme on va le voir, il suffit qu'il y a quelqu'un qui est mort, ils réunissent des gens pour lire le Coran. D'accord ? Lorsque vous rentrez et vous leur dites « Craignez Allah, repentez-vous à Allah », ils ne vont pas comprendre, ils vont dire « Subhanallah ». On fait quelque chose de bien, on lit du Coran, on fait du dhikr. Hein ? Eh bien ça, c'est comme si qu'ils ont délaissé les bonnes nourritures et ils se mettent à manger, ils se réunissent pour manger des pierres et du sable. Ça ne va pas purifier leur âme. Hein? C'est pour ça que les savants parmi les plus prédécesseurs disent « Al-bid'a ahabbu ila iblis min al-ma'siyah ». L'innovation est mieux aimée pour le diable que le péché. Il a dit « Li'anna al-ma'siyah yutab minha ». Car le péché, eh bien, l'individu qui fait un péché, il sait qu'il a fait un péché, il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais. Inch'Allah, il va se repentir. Tandis que l'innovateur, cet égaré, qui appelle à son innovation, hein, ce mubtadi'a, lui, il est convaincu de son égarement. Yani, il est convaincu que ce qu'il fait, c'est bien, il n'y a pas de problème. Toi, tu veux m'empêcher de faire un bien. Tu vois ? Donc, il ne voit pas pourquoi il se repentirait lorsqu'il est en train de dire subhanallah en groupe pendant 2000 fois. Vous voyez ? C'est pour ça que le shaitan, il préfère ça. Et vous voyez le danger. C'est pour ça qu'il faut toujours craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah hajjaba tawba ala sahib al-bid'a ». Allah a voilé la repentance de l'innovateur. C'est pour ça qu'il ne comprend pas, Yarni, pourquoi. Tu lui dis ? Ils sont rares les innovateurs qui se repentent. Ils sont rares, ils sont très rares. Ouais. Ils sont rares. Hein? Les innovateurs qui se repentent sont rares. Allah a voilé le cœur des innovateurs. Allah a voilé la repentance de l'innovateur. Donc, voyez l'agir sur les innovations, l'agissement sur les innovations, c'est comme si que l'individu délaisse les bonnes nourritures et se met à manger du sable, de la terre, des pierres. Vous voyez pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un faire une innovation et qu'il aime ça et qu'il invite les gens à ça, vous devez le détester en Allah Azza wa Jal s'il a refusé le conseil. C'est parce que ça vous dégoûte, vous, de voir quelqu'un là, il est comme ça, là, il met une assiette, un bol, et puis il mange de la terre, des pierres. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va se casser ses dents. Et qu'est-ce qu'il met de la terre là dans son estomac ? C'est dégueulasse. Vous voyez comment l'individu, il doit avoir. Comme il doit être dégoûté de ça, il doit être aussi dégoûté de l'innovation. Parce que l'individu, s'il le dit, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sincèrement, il témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur, dernier prophète et messager d'Allah, sincèrement, et il comprend la définition comme nous l'avons vu dans les cours précédents. Donc il aime les gens de la sunna. Et il aime les savants de la sunna. Il s'allie avec cela. Et il déteste, il se désavoue des gens de l'innovation, de ceux qui la pratiquent et de ceux qui invitent à cela. Mais lorsque je dis cela, c'est pas quelqu'un qui fait une innovation que c'est un innovateur automatiquement, on est d'accord. Voilà, c'est pas par exemple quelqu'un qui fait une innovation, automatiquement c'est un innovateur, donc on le déteste en Allah pour cela. C'est... Voilà, par exemple, il y en a plein, ils font des innovations, mais c'est pas des gens qui étudient la religion, tu comprends. Faut juste, ils ont besoin de conseillers. Parfois, ils vont être un peu durs de tête parce qu'ils ont entendu un imam égaré qui fait des prêches, etc. Et qui leur dit, c'est pas grave, c'est bien. Et lui, comme il aime cet individu-là, il aura du mal à se détacher. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas en suivant les hommes qu'on connaîtra la vérité. Mais c'est lorsque tu connais la vérité, avec clairvoyance, que tu sauras qui se tient sur cette vérité. D'accord ? Barakallahu fik. Donc... Inch'Allah, je l'enverrai, Inch'Allah. Ce n'est pas en suivant les hommes qu'on connaîtra la vérité. Mais c'est en connaissant la vérité qu'on sait qui se tient sur cette vérité-là. Ce n'est pas en suivant les hommes que l'on connaîtra la vérité. Si tu as compris, après, c'est juste en prisonnier, Inch'Allah. Donc, on va faire vite, Inch'Allah, pour terminer. Mais c'est en connaissant la vérité qu'on connaîtra qui se tient sur cette vérité. D'accord ? Barakallahu fikoum. Donc, فَإِذَا كَانَ أَكِلُ هَذِهِ الْمَوَادِ لَا يَتَغَضَّى فكذلك العمل بالبدعة لا تتهر الروح ولا تسكو نفس. Si donc manger des pierres, du sable, du foin, tout ce qui est nuisible au corps, il délaisse tout ce qui est bon pour le corps, ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait, que c'est bon pour le corps, licite tout cela, d'accord ? Eh bien, c'est comme ça pour l'innovateur. Celui-ci qui mange tout ce qui est nuisible, il va mener son corps à sa perte, il ne va pas purifier son corps. Eh bien, l'innovateur ne va pas purifier son âme en faisant son innovation, mais il va mener son âme à sa perte. لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل في البدعة التي يخترعها الناس لم يجعل الله تبارك وتعالى في ذلك سببا لتزكيته ولا سببا للتطهير. Car Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré, d'accord, dans ce que les gens ont inventé, il n'a pas légiféré en cela une cause pour la purification des âmes. D'accord ? Al-aslu fil ibadat, ça c'est un point important à noter, al-hadru wal-man'a, hatta ya'ti an-nass wad-dalil. Dans les actes d'adoration, donc ça c'est une règle à bien comprendre, à bien maîtriser et à bien mémoriser. Car si vous ne la maîtrisez pas, il suffit que vous surfez sur Internet, vous allez vous faire engloutir par les égarés. D'accord ? Al-aslu fil ibadat, al-hadru wal-man'a, hatta ya'ti an-nass wad-dalil. Donc l'origine dans les actes d'adoration, la règle dans les actes d'adoration, c'est l'interdiction, l'empêchement, jusqu'à ce qu'il y a une preuve, un texte authentique. D'accord ? La ibada illa bidalil wa nass. Aucun acte d'adoration n'est permis excepté si l'individu a une preuve. C'est-à-dire que si tu ne sais pas, tu ne vas pas dire... j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit... je ne savais pas comment prier, je suis rentré dans une mosquée, j'ai vu les gens faire comme ça, je les ai suivis. D'accord ? Donc s'il est rentré dans une mosquée, alors, subhanallah, dégaré. Ouais, il va faire comment ? Il va prier comment ? Dès que j'étais au Royaume-Uni, il y avait un frère, et il m'avait dit à Nottingham, vous l'avez dit cette anecdote là, il était rentré dans une mosquée à Nottingham les 10 dernières nuits du Ramadan. Il s'est dit, allez maintenant, il faut que je fasse mon possible pour faire les tarawih bien et tout. Il rentre, il ne savait pas que c'était une mosquée soufie. Et il dit, l'imam, il arrive et il se met à réciter 10 fois « Qulhullahu ahad ». Puis après, ils éteignent les lumières et ils voient les têtes balancées de droite à gauche en disant « Ouh, ouh, ouh, ouh ». Il lui dit « C'est quoi ce truc ?» Il est sorti, il avait dit, et comme la mosquée était grande, ça résonnait. Et les kofars, ils passaient à côté et ils entendaient « Ouh, ouh », comme si c'était des singes à l'intérieur. Donc, si un individu rentre dans une mosquée comme ça pour apprendre comment prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, c'est en connaissant la vérité qu'on connaîtra qui se tient sur la vérité. Donc, on fait pas d'adoration. Si on ne sait pas, est-ce que c'est permis ou pas de le faire, je ne le fais pas jusqu'à ce que je me renseigne. Tu vois ? Jusqu'à ce que je me renseigne. Et lorsqu'il y a des gens qui se moquent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, ils vont dire, oui, mais attends, comment bouger le doigt lors du tashahhud, vous insistez sur ça, sur la barbe, sur le qamis, sur le siwak, vous vous tenez sur des épluchures. Subhanallah. Eh bien, tu lui dis, Ehi, épluche ta pomme. D'accord ? Épluche ta pomme. Et attends 5 à 10 minutes et vois dans quel état elle sera. Subhanallah. Elle va devenir toute marron. Même le goût, il va avoir. Eh bien, c'est des épluchures. Ce qui a été révélé du haut des 7 cieux par Allah Azza wa Jal ne peut pas être considéré comme des épluchures, d'une part. Et deuxièmement, les épluchures, c'est ce qui protège. Vous voyez ? Un âme ? Comment ? C'est une parole grave, ouais. Mais souvent, ce sont des ignorants qui ont entendu des prédicateurs sur Internet dire « Ouais, ces gens-là, ils mettent la barbe, le kamis, et après, ils commencent à faire des photos. » Le but, c'est quoi ? C'est de discréditer les gens de la sunna. Comme ça, si tu vois quelqu'un avec une barbe et un kamis, tu dis, allez, moi je préfère voir quelqu'un en costard-cravate, rasé, subhanallah. Vous voyez ? C'est dangereux ça. C'est dangereux. Ouais. Et les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'on fera, inchallah, les annulatifs de l'islam, ils ne se rendent pas compte qu'une parole peut exclure un individu de l'islam. Hein? Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate At-Tawba, « Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum testahzi'oun est-ce d'Allah, de ses signes, de ses versets, de son messager que vous vous moquiez, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne cherchez pas d'excuses. Vous avez mécru après avoir eu la foi. Vous voyez le danger? Donc se moquer du siwak, le bâton qu'on utilise, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait, ou se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un des signes d'Allah azza wa jal, hein, la moquerie annule l'islam. Donc l'individu, il doit refaire la shahad, hein. Les deux shahad, il doit les refaire. Il doit refaire. Yani, le danger, c'est quoi? Si l'individu, barakallahu fik, les gens, ils n'arrivent pas à voir le truc. S'il est marié, ça veut dire quoi s'il est marié? S'il est marié, ça veut dire que ça annule son acte de mariage. Vous voyez le danger? Ça veut dire qu'il n'a plus le droit de vivre avec sa femme. Subhanallah. Vous voyez les annulatifs de l'islam? De se moquer d'un des signes, d'une sunna, juste se moque comme ça. Vous voyez le problème? Et les gens, ils rentrent et ils sortent de l'islam sans s'en rendre compte. Non. Je ne remercierai jamais assez Allah par rapport à ce que tu dis, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est très important. Ce n'est pas parce que je ne fais pas le siwak qu'Allah me facilite dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en aucun cas, et j'espère jamais de ma vie jusqu'à ma mort, je me moquerai de quoi que ce soit par rapport à dire que le siwak, la barbe. Non, non, bah, c'est ça. Bah, alhamdoulilah. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous guider tous. Là, l'individu, il sait que c'est le haqq, il sait que c'est la vérité. Même si par exemple il applique pas ça, il va dire mqasr. Il a une faiblesse, mais il sait que c'est le haqq. Il sait que c'est la vérité. C'est pas par exemple il applique pas, l'individu il laisse pas sa barbe parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et lui il le fait pas et il va commencer à se moquer à des gens qui ont la barbe ou parce que lui il refuse de porter le qamis parce qu'il a honte. Donc il va dire ouais, il porte le qamis, qu'est-ce qu'on est? On est en 2016. Ferme. De quoi? Non, ça c'est un péché, barakallahu fik. Ça c'est un péché, le fait de pas laisser sa barbe. Naam. Le fait rien de se moquer, tu sens. Se moquer de la religion, oui, ça annule l'islam. Et pour pas qu'on s'éloigne du sujet, barakallahu fik. Donc, l'origine dans les actes d'adoration, c'est l'interdiction. Tu ne sais pas, tu demandes, tu te renseignes à ceux que tu sais qu'ils sont sur la sunna. Tu te renseignes à ceux qui sont sur le sunna dans le cas où tu n'as pas accès aux savants directement. Parce que ces gens-là, ils vont te rediriger vers les savants, soit eux-mêmes, ils vont communiquer avec les savants et puis ils vont te redonner une réponse. D'accord? Inch'Allah. Pourquoi c'est dangereux? Ah non, mais oui, c'est pour ça. Wal aslu fil adat al hil wal idaha wa adam al man'a fala yahrumu في غير العبادات إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الدليل الحاذر المانع. Donc ça c'est la règle en dehors des actes d'adoration. Donc dans les actes d'adoration, il est interdit, d'accord, de faire un acte d'adoration sauf si tu as une preuve. En dehors des actes d'adoration, c'est-à-dire dans tout ce qui est technologique, dans ce qui est mondain, les actes profanes, d'accord, eh bien, c'est l'autorisation et l'interdiction d'empêcher jusqu'à ce que tu as une preuve, d'accord, du contraire, que c'est interdit de faire cela, d'accord. Par exemple, des gens, ils vont dire, interdit de boire du Coca-Cola, c'est haram, d'accord. Donc, on sait qui sont ces mouvements politiques qui veulent essayer de, d'accord. Ces gens-là, ils ne sont pas intéressés par la aqida, ni intéressés par réformer les, d'accord. Donc, ça fait partie des actes mondains, on est d'accord. C'est une boisson. Bon. Tant qu'on ne sait pas, eh bien, on dit que c'est permis, s'il n'y a aucune preuve. Si par exemple Coca-Cola dit, nous, c'est une boisson alcoolisée. Donc là, ça y est, c'est clair. D'accord. Mais tant qu'il n'y a rien, Eri, subhanallah. Eh bien, tu ne cherches même pas à essayer d'investir, faire une investigation. Comme certains frères font des erreurs, qu'Allah nous guide et les guide, Eh bien, par exemple, ils vont aller chercher la façon comment est égorgé tel animal et tout cela. D'accord ? Ça, c'est une erreur. Cheikh Ibn Baz rahimahullah avait dit que c'est une erreur. Pourquoi cherchez-vous ? Donc, vous savez que l'électrocution est interdite. D'accord ? Donc après, s'il s'avère qu'il y a une entreprise qui égorge les poules, par exemple, par électrocution d'abord et ensuite elle les égorge, ça c'est interdit, c'est haram. La viande, elle est illicite. Cependant, tant que tu ne sais pas, et eux, ils disent qu'ils sont musulmans, ils font la prière, parce que s'ils ne font pas la prière, c'est pas licite, on est d'accord. Donc, ils font la prière, et celui qui égorge, c'est un musulman qui fait la prière. C'est pas comme dans certaines chaînes, parce qu'ils mettent « Bismillahirrahmanirrahim ». D'accord ? Sur le mur, et ça c'est faux. Déjà c'est faux. On ne dit pas « Bismillahirrahmanirrahim » lorsqu'on égorge un animal. On dit « Bismillah » mais on ne dit pas « Rahmanirrahim ». Parce qu'il n'y a pas de « Rahma » dans cet acte-là. D'accord ? Tu as égorgé un animal. D'accord ? Donc ils mettent ça. Et souvent, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman. Ah non, on l'a juste marqué sur le mur. Bon, si par exemple un tel il dit « Oui, je suis musulman », qu'il voit, il fait ses prières à la mosquée. Alhamdoulilah, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il fait ses prières à la mosquée. Et puis il dit qu'il fait ça. Tu n'as pas besoin d'investiguer. Tu n'es pas permis de faire ça. D'accord ? Tu n'es pas permis de faire ça. Donc, question était posée au ulama. Oui, il y a une boîte en fait qui s'avérait qu'en ayant cherché, eh bien, ils font des électrocutions. Est-ce que c'est permis d'acheter cette viande-là ? Il leur a dit, le cheikh, pourquoi allez-vous investiguer ? Pourquoi allez-vous enquêter ? Vous voyez ? Non. Pourtant, Donc on s'en tient, on rentre pas trop dans le détail dans ça, tu vois. Ce sont des musulmans, ils prient, ils font leurs cinq prières, d'accord ? Qu'est-ce qui annule l'islam ? Donc on connaît très bien ce qui annule l'islam. Donc ils disent ils sont musulmans. Toi tu rentres dans un kebab, tu sais même pas dans une autre ville. Tu vois l'individu, il te dit que oui je suis musulman. Tu vas pas chercher plus loin, Eric. Tu vois, tu manges. Ouais, mais qui c'est qui vend ça, Barakallahu fik, c'est des kuffars, donc subhanallah. Il y a un kafir qui inna ba'da dhan ithm. Yani, tu sais que rechercher Allah Azza wa Jalla dans sourate Al-Hujurat nous interdit de wala tajassasu, de ne pas s'espionner. Tu vois? Yani ça c'est avec le musulman, on est d'accord. Par contre, quelqu'un que tu sais que c'est un fasiq, il est connu pour dire des mauvaises paroles, pour traiter, pour jouer au TRC ou je sais pas quoi, faire plein de trucs haram, tu vois ce que je veux dire ? Là, tu commences à t'enseigner. D'accord ? Mais là, écrit, ce sont des chaînes de kuffar, c'est pas des musulmans qui tiennent ces trucs-là. D'accord ? Ok. Allahu a'lam. Après, moi, je sais pas, yani, dans les transactions. Moi, je dis quelque chose de général, je vais pas rentrer dans le détail, tu vois. Je dis dans la chose. Donc, dans les actes d'adoration, c'est l'interdiction. L'empêchement, jusqu'à ce que l'individu ait une preuve. Dans les actes mondains, profanes, donc si les sœurs elles ont des questions, elles n'hésitent pas à écrire, Inch'Allah. Dans les actes, donc le deuxième point, c'est dans les actes profanes, c'est l'autorisation et éviter d'interdire ou empêcher d'interdire. D'accord ? Ne pas interdire, plutôt. Donc l'autorisation et ne pas interdire dans les actes mondains. D'accord ? Jusqu'à ce qu'il y a une preuve qui prouve le contraire. D'accord ? Donc, قال تعالى dans Surat Al-A'raf, verset 32, Surat 7, verset 32. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Dans la traduction au sens du verset, dit « Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ?» Donc il n'est pas permis d'interdire, que ce soit dans les vêtements, ou que ce soit dans la nourriture, ou que ce soit technologiquement, d'accord ? Tout ce qui est mondain, dans cette vie d'ici-bas, il est strictement interdit d'interdire jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui est claire, qui dit que ça interdit, ceci est interdit, d'accord ? Tant qu'on ne sait pas, c'est permis. Mais si après on nous prouve que ce n'est pas permis, donc... Bien sûr, on nous prouve que ce n'est pas permis, c'est juste je pense que. Non, c'est regardez, Allah dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Allah azza wa jalla dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Donc là, si la preuve est arrivée, Donc là, il nous est interdit après de continuer à se nourrir de telle chose ou à porter telle chose. D'accord ? البدعة التي تقع في العبادات على قسمين. Les innovations qui se يعني comment je pourrais dire ça? Les innovations qui ont lieu dans les actes d'adoration. Les innovations qui ont lieu dans les actes d'adoration. Parce que lorsqu'on fera, inchallah, un cours qui sera détaillé sur l'innovation, on verra qu'il y a aussi les innovations dans la croyance. D'accord ? Ou est-ce que certaines innovations dans la croyance annulent l'islam ? Comme croire qu'Allah est partout, tu vois, astaghfirullah. Ça annule l'islam. Ou comme croire que le Coran c'est une création, astaghfirullah. Donc c'est quoi le Coran ? Pour rappel. Le Coran c'est quoi ? Les paroles d'Allah. Oui, mais c'est quoi ? Les paroles d'Allah. Barakallahu fik. C'est la parole d'Allah. Et ça fait partie de quoi ? Quel type de, d'unicité ? Quel type de monothéisme ? Quel type de tawhid ? Ça fait partie. Oui, mais on verra ça, Inch'Allah. Ça fait partie. Tu l'avais dit dans un cours. Asma ou sifat. Des noms et attributs d'Allah. Parce que la parole, c'est un attribut d'Allah. Ça fait partie du pur monothéisme dans l'attribut. D'accord. Donc vous voyez, les innovations, ça c'est dans le Coran. Là, on parle des innovations qui ont lieu dans l'adoration. Elles sont de deux types. D'accord ? Bid'a asliya, une innovation. Yani bid'a asliya ou bid'a idafiya. Bid'a asliya, ça veut dire, c'est que l'individu fait un acte d'adoration, il provient d'où ? Il provient de sa poche. Il provient de son cerveau. Il l'a ramené, lui, de sa poche. Ça veut dire que ce n'est ni basé, ni dans le Coran. Il n'y a aucune preuve dans le Coran, ni dans la sunna, ni dans l'agissement des compagnons, ni dans les tabi'in, ni dans les savants qui ont suivi cette voie des pieux prédécesseurs. D'accord ? Il n'y a aucune preuve. L'individu, il a inventé ça. Donnez-moi un exemple d'une bid'a asliya qu'on avait déjà vue. Le fait d'être dans une mosquée, de faire lire le Coran. Non. C'est, oui, parce qu'il y a aucune preuve dessus. Non. Non, parce que là, il a modifié dans la façon. Non. Alors, j'avais donné l'exemple la semaine dernière. Une innovation qui a été faite, qui a été introduite au 4e siècle de l'Égypte. Le Maoulid. Ah, l'anniversaire. Oui. D'accord. Donc, on a dit, il y a deux types d'innovation dans les actes d'adoration. Deux types d'innovation. Une, où est-ce qu'il n'est basé, asli, ça veut dire qu'il n'est basé sur aucune origine, aucune preuve. L'individu l'a ramené de sa poche. Ou la ramener de sa tête. Comme par exemple, le fait de vouloir célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou comme par exemple, vouloir faire des prières le 27e jour de Rajab. D'accord ? En pensant que c'est l'Isra wal Mi'raj. En pensant que c'est le voyage nocturne. D'accord ? Qui s'est déroulé. Et l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 7e siècle. Donc, il n'y a aucune preuve dans cela, il n'y a rien. Mais l'individu, il l'a ramené de sa poche. D'accord ? Donc, bid'a asliya ya'ti bi'ibada lam yashra' shari'u jinsaha aslan wa innama ikhtara'aha ikhtira'an. Donc, l'innovation qui n'est basée sur aucune origine est l'innovation. Bid'a idafiya, c'est l'innovation ou est-ce qu'il y a eu un rajout ? D'accord ? Donc l'innovation qui est basée sur aucune origine, aucune preuve, c'est que l'individu vient avec un acte d'adoration alors que le législateur, Allah Azza wa Jal, ne l'a pas légiféré. Et bid'a idafiya, l'innovation de rajout, wa imma an yabtadi'aha على وجه يغير ما شرع الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون أصل العبادة مشروعة ولكن يغير في شيء من أوصافها الستة التي مر ذكرها. Donc, le deuxième type d'innovation, c'est dans, يعني, il va changer en fait. Il va changer un des six points qu'on avait vus. Soit dans son temps, soit dans son lieu, soit dans sa manière. D'accord ? Donc, il y a en fait quelque chose qui permet de faire tel acte. Mais lui, il va changer la façon. Comme par exemple la lecture du Coran. C'est quelque chose qui est légiféré. D'accord ? Mais l'individu, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est que lui, il va changer dans la façon que c'est légiféré. C'est-à-dire que certes, c'est légiféré, mais lui, il voudra, par exemple, il veut le lire en groupe. La da'wa, c'est légiféré, oui ou non ? C'est légiféré. Toute la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était da'wa. D'accord ? L'invitation à l'islam, c'est légiféré. Mais l'individu, il va changer dans la façon de le faire. Donc vous trouverez des gens qui vous voudront sortir 3 jours, 40 jours, 4 mois, hein ? Et que selon la durée que tu restes, tu es plus récompensé. Il y avait un des têtes de l'égarement de cette secte. Il disait, qui veut sortir 4 mois ? À Dreux. Il disait, qui veut sortir 4 mois ? Personne. Il avait levé la main. Qui veut sortir 4 mois ? Personne n'a levé la main. Et après il a dit, qui veut aller au paradis ? Subhanallah, il y a quelqu'un qui va dire, je veux aller en enfer. Donc ils ont tous levé la main. Ça, ça c'était à Dreux, ça. J'ai entendu et je l'ai vu de mes propres yeux. Et donc, c'était dans la période de ce que j'étudiais justement ce groupe-là. Et donc, tout le monde a levé la main. Et après, il a dit, qui veut sortir 4 mois ? Personne n'a levé la main. Il a dit, vous voulez aller au paradis, vous voulez pas sortir 4 mois ? Subhanallah. La da'wa, c'est quelque chose qui est légiféré. Mais eux, ils ont changé dans la façon de la faire. D'accord ? D'une part, ils ne savent même pas ce que ça veut dire la ilaha illallah. Ils invitent les gens avec l'ignorance. Viens à la mosquée, on va faire à manger, sors 3 jours, 40 jours, voilà, 4 mois. Et ils utilisent en fait ces nombres de jours-là. Ils vont te dire, regardez, on a une preuve. 3 jours, c'est dans le Coran. Et dès que tu lis dans le Coran, 3 jours, c'est quoi ? C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal dit au Qawm, hein, de Houd, وَتَمَتَّعُوا فِي دِيَارِكُمْ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ et jouissez dans vos demeures pendant 3 jours. Ils vont vous dire, oui, 3 jours, c'est mentionné. En fait, ils disent que 40 jours, c'est là, c'est parti, oui, 40 jours, c'est oui. 3 jours, c'est pour te recharger d'un mois. Ils disent que si tu restes 40 jours... Naam, mathalan. Ils vont te dire, 40 jours, c'est écrit dans le Coran. Vous voyez, lorsque je vous disais, il y a une différence entre ramener une preuve du Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, et puis juste prendre comme ça du Coran. 40 jours, c'est mentionné dans le Coran. Tu lis, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal avait donné 40 jours hein, à Moussa lors de la préparation. Et 4 mois, sourate Bara, Tawbah, deuxième verset, subhanallah. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit aux mushrikin, voyagez sur terre pendant 4 mois. Allah Azza wa Jal, il s'adresse à qui ? Aux polythéistes. Pendant en fait les 4 mois, ou est-ce que ce sont les 4 mois sacrés qu'il était interdit pour les musulmans de lutter ? Donc ils peuvent voyager pendant 4 mois. Yani, vous voyez, subhanallah. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait avec son innovation ? C'est qu'il y a quelque chose qui est légiféré. C'est quoi ? C'est la da'wa. Mais lui, il a changé dans la façon de le faire. D'accord ? Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est qu'ils vont dire, par exemple, si tu vas interdire les gens à lire le Coran en groupe, ou tu vas interdire les gens de faire la da'wa de cette façon-là, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire aux gens qui ne savent pas, ils vont dire, regardez, il est contre la da'wa ou il est contre la lecture du Coran. C'est pas ça. Il n'est pas contre la lecture du Coran. Au contraire, subhanallah, chaque lettre que tu lis, tu es récompensé 10 par 10 hasanat et Allah, il augmente à qui il veut. Mais c'est la façon de le faire. Comme la da'wa. C'est pas la da'wa, au contraire, akhi. Alhamdulillah. Mais c'est la façon de le faire. Donc vous voyez, donc là, il a changé en fait dans la façon de le faire. Barakallahu fikoum. وفي الحقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم علاماتها التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et en toute vérité, celui qui prétend aimer le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est d'avoir un bon comportement et être correct avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Et ne pas inventer dans la religion quoi que ce soit pour ensuite l'accuser d'avoir oublié de transmettre quelque chose, ou de l'accuser d'avoir trahi le message comme l'imam Malik rahimahullah avait dit. D'accord ? Donc, le bid'a al-idhafiyya yazid ou yunqas min adad al-adhkar, mathalan. Par exemple, un autre exemple de bid'a idhafiyya, c'est quoi ? Par exemple, vous savez qu'après la prière, vous dites 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et ça fait 99, puis vous complétez par la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça fait 100. Ou bien dans une autre narration, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Donc, là maintenant, l'individu, il dit, moi je veux faire 36 fois. Il croit que c'est mieux, c'est bien. Plus il en fera, mieux c'est. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré pour 33. Donc, si lui, il vient et il dit que c'est mieux, ça veut dire quoi ? Il va adorer Allah mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Ou il va être guidé mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Subhanallah. Donc, si son intention, c'est cela, parce que tout va maintenant sur l'intention, qu'est-ce qu'il veut par cela ? S'il a rajouté, juste comme ça, il a fait plus, sans penser que c'est mieux, juste il a rajouté comme cela, sans croire qu'il va se rapprocher d'Allah azzawajal mieux en faisant cela, donc ça, c'est pas une innovation. C'est juste qu'il l'a rajouté, soit il l'avait oublié, ou soit, d'accord ? Mais sans avoir l'intention de fixer un... D'accord ? Mais là, s'il fixe un nombre, et il va dire qu'en faisant cela, eh bien, tu auras telle récompense. Donc là, il doit ramener sa preuve. C'est à lui de ramener sa preuve. Il ne peut pas dire, ramène une preuve que c'est interdit. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, ne le faites pas. Non, c'est à lui de ramener une preuve que c'est permis. D'accord ? Donc ça, c'est une bid'a idafiyya, ça veut dire qu'il a rajouté. Soit il rajoute quelque chose, soit il enlève quelque chose. D'accord ? Comme par exemple, dans un livre d'une des sectes, ils écrivent qu'il y avait un jeune qui avait le savoir du ghaib, de l'invisible. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, lui ordonne de dire dans le Coran, « قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ » Dis, je ne connais pas l'inconnaissable, je ne connais pas l'invisible. Et eux, ils viennent et ils te disent, qu'il y avait un jeune qui connaissait l'invisible. Il pleurait car il voyait sa mère en enfer. Il est parti voir un homme qui disait que celui qui dit 70 000 fois « La ilaha illallah » il ne rentrera pas en enfer et ira au paradis. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Donc je vais le faire pour moi, pour ma femme et mes enfants. » Qui récite 70 000 fois « La ilaha illallah » pour entrer au paradis. Et pour ne pas aller en enfer. Donc, dès qu'il a vu ce petit garçon pleurer parce qu'il voyait sa mère en enfer, il a dit « Bon, je vais le faire pour sa mère. » Donc, il a dit, il a récité 70 000 fois « La ilaha illallah » et après, dès qu'il a terminé, il a dit qu'il voyait le jeune qui était en train de rire. C'est pas des histoires que je vous raconte. Ça, c'est une histoire, certes, mais... C'est pas moi qui veux dire qu'il raconte de ma tête. Hein. C'est un livre et un que j'ai chez moi, que j'ai fait mis un fluo dessus lorsque j'étudiais justement cette secte-là, qui fait le khourouj et tout ça. Et le truc, c'est que c'est écrit dans leur livre. Hein. Et il a dit que lorsqu'il a terminé 70 000 fois, il a dit qu'il voyait maintenant le jeune, il était content. Il souriait. Et il a dit, c'est bon maintenant, elle est plus en enfer, elle est au paradis. L'auteur de ce livre-là a dit, de cette anecdote, nous concluons le bienfait de dire 70 000 fois « La ilaha illallah » qu'avant d'entendre parler. Donc ça, ce n'est pas une preuve, barakallahu fik. La preuve, c'est Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahaba disent. C'est ça, la preuve. Ça, c'est une innovation, barakallahu fik. « La ilaha illallah », c'est légiférer, on est d'accord. De dire « La ilaha illallah », tu le dis 100 fois, d'accord. Après, tu n'es pas limité à un certain nombre si tu veux le dire plus, d'accord. Mais le problème, il est où ? C'est que si ton intention, c'est que tu le dis... tel nombre pour avoir telle récompense alors qu'il n'y a rien de légiféré pour telle ou telle chose. Vous voyez, ça c'est une bid'a idhafiyya. D'accord ? Ou par exemple, l'individu, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui répète ce que le mu'adhdhin dit, d'accord ? Thumma yusalli alayhi. Puis, lorsque le mu'adhdhin, celui qui fait l'adhan, il dit Allahu Akbar, donc vous vous dites Allahu Akbar. Allahu Akbar, vous dites Allahu Akbar. Ensuite, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, vous dites Ashhadu an la ilaha illallah. Vous dites, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, vous répétez Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, vous dites Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Vous répétez comme il dit. Lorsqu'il dit Hayya al-Salah, mais vous, ce que vous rajoutez, c'est que lorsqu'il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, vous dites Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, puis vous dites sallallahu alayhi wa sallam. هذا للمؤذن أو للسامع. Donc ça c'est pour qui ça? C'est pour celui qui fait l'adhan ou bien celui qui entend l'adhan et qui répète سامع المردد. C'est celui qui entend et qui répète. D'accord? Et il y en a qui ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire l'adhan, ils vont dire أشهد أن محمد رسول الله. Celui qui fait l'adhan il dit أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dès que tu lui dis ياخي c'est pas permis de faire ça, il va te dire أنت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم. Subhanallah. Pourquoi? Parce que tu refuses qu'il dise sallallahu alayhi wa sallam. Yani, c'est pas ça. Il faut pas le dire en fait. Non, celui qui fait l'adhan n'a pas le droit de le dire. Ah oui, au moment qu'il le fait, il dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il dit juste, il fait l'adhan comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à Bilal et comme il l'a enseigné aux sahaba. Mais celui qui entend, il dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est à celui qui entend, pas à celui qui dit l'adhan. D'accord? Mais l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fi, comme on l'a dit, c'est dans son suivi, dans son bon comportement avec lui, ne pas croire qu'on va adorer Allah mieux que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kama takunu bil-fi'l, takunu bil-tark. D'accord? Ma hiya sunnat al-tarkiyya. Donc, la sunnat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme... Hein? Elle est issue de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait... Eh bien, tout ce qu'il a également délaissé, et on va voir, on va expliquer là, sans que rien ne l'en empêche, alors que c'était possible pour lui de le faire, tout ce qu'il a délaissé, eh bien, c'est une sunna. C'est pour ça qu'on dit sunna tarkiyya. Vous savez que les catégories de sunna sont au nombre de 4. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, si tu le fais, c'est la sunna. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ou a mis en garde contre, si tu le fais ou tu évites ce qu'il a mis en garde compte. Donc si tu fais ce qu'il a ordonné et évites ce qu'il a mis en garde compte, d'accord? C'est la sunna. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé de ses compagnons. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sami Allah liman hamida. Et un sahabi qui a dit Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la salat, il a dit, qui a dit cela? Sahabi avait dit, c'est moi, il a dit, parce que je voyais les anges hein, qui se concurrençaient, qui c'est qui allait écrire cette récompense-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé cela, qu'un compagnon a fait un acte, il l'a agréé. Donc s'il l'a agréé, ça fait partie de la sunna, si tu le fais. D'accord? Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il a agréé, et enfin, le quatrième point, ce qu'il a délaissé sans que rien ne l'en empêche, alors qu'il avait la possibilité de le faire, mais il ne l'a pas fait, si tu le délaisses aujourd'hui, eh bien tu suis la sunna. Si tu délaisses ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, il a délaissé une chose alors que rien ne l'a empêché de le faire, mais il ne l'a pas fait. D'accord? Il a délaissé une chose. At-tark huwa at-tark yani. Ce qui est maujoud, on est d'accord? C'est ce qui est présent, ce qui est possible de faire. Moi, je ne parle pas des voitures. Ce n'est pas présent du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est technologique, c'est mondain. Ça ne rentre pas dans les adorations, on est d'accord? Donc, كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل في كل صلاة. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé les grandes ablutions, hein, قبل كل صلاة, avant chaque prière. Comme il a délaissé الأذان للعيدين. L'adhan pour la salade du Eid, il l'a délaissé ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu le délaisses. Tu ne le fais pas en croyant que bah, c'est quoi le problème, je fais l'adhan, c'est bien. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé, tu le délaisses. Rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikou, lorsque il y aurait sa date de naissance, rien n'empêchait de dire aux sahaba. On va regarder, c'est mon jour d'anniversaire, venez, on va se réunir, on va faire quelque chose, on va faire du dhikr, on va lire la... On va comme les gens aujourd'hui, ils font quoi? Ils vont dire, non, on ne célèbre pas, on lit juste la biographie. Ri, pendant toute l'année, tu as délaissé la lecture de la biographie et tu attends Rabi al-Awwal pour lire la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu... Il va te dire, non, on célèbre pas, juste on lit. C'est quoi? On se rappelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on se rappelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps. On n'attend pas Rabi'a al-Awwal pour se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, tu sais que chaque vendredi, si tu dis à chaque fois sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, tu dois t'okthur. Min salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu dois dire le plus sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, tu te rappelles. Subhanallah. Le fait d'appliquer sa sunnah, dire les adhkar, lorsque tu montes dans ta voiture, lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu rentres aux toilettes, lorsque tu sors des toilettes. Non, voilà, mais à chaque fois. Le musulman, à chaque fois. Voilà, dès que tu te lèves. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama matana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a redonné la vie après que nous étions morts dans une mort, la petite mort. D'accord ? Et vers lui sera le retour. Tout ça, c'est la sunnah. Les askars que tu fais pendant le matin, le soir. Subhanallah. Et oui, avant de manger, dans tout, subhanallah. D'accord ? Donc ça, c'est une fausse excuse. D'accord ? Barakallahu fikoum. Alors, il y avait un point ici. Mithal dhalik, anna an-nas idha mata lahum mayyit, jama'u ba'd ahabba'ihim, wa sana'u lil-mayyit 'itaqatan kubra wa 'itaqatan sughra. Je vais avoir terminé, inshallah. فيجلسون ويقرؤون سورة الإخلاص عددها يقرؤون سورة الإخلاص مثلا 1,000 times أو 100,000 times في العتاقة الصغرى والعتاقة الكبرى ويقولون إننا إذا قرأنا هذا القدر ثم وهبنا ثوابه لموتنا أو للمتوفى فَإِنَّهُ تُعْتَقُ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا الْمَقْصِدُ الَّذِي سبحان الله لِأَجْلِهِ أَرْسَلَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم سبحان الله. Donc eux, les gens, un autre exemple. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, ils font quoi? Ils vont commencer à contacter et ils vont leur dire, il y a quelqu'un qui est décédé. Ils vont leur dire, venez à la maison, d'accord ? Et nous allons nous réunir pour lire le Coran. D'accord ? Et nous allons nous réunir pour lire le Coran. Et donc, ils se mettent à lire le Coran. Ils disent, notamment certains, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, on va lire Sourate al-Ikhlas, c'est-à-dire Qul Huwallahu Ahad, par exemple, 100 fois ou bien 1000 fois. Puis, la récompense, on fait que la récompense, elle soit attribuée aux morts. À celui qui est mort, qui est décédé. Afin qu'il soit préservé de l'enfer. Donc ça, c'est le but. Que lui, soit préservé de l'enfer. Donc, subhanallah. Pourtant, ce but, c'est le but pour lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé son envoyé. Pour que les gens soient préservés de l'enfer et qu'ils rentrent au paradis. An yuwahidullah. Wa ya'budu. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que donc, ils te disent qu'en faisant cette lecture du Coran pour le mort qui est décédé, ils ont un mort, et ils vont faire cette lecture du Coran en appelant ceux qu'ils aiment, et qu'ils disent qu'on va donner cette récompense-là pour le mort, eh bien, il sera préservé de l'enfer et entrera au paradis. Subhanallah. Alors que le fait que pour être préservé de l'enfer, c'est le but pour lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé ses envoyés, ses messagers. C'est qu'ils le suivent et qu'ils se mettent à adorer Allah Azza wa Jalla, à l'unifier, sans rien ne lui associer. Et s'ils meurent sur cela, Allah Azza wa Jalla les préservera de l'enfer. S'ils font ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné et évitent ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, ou mis en garde contre. Subhanallah. Ma al-mani' alladhi kana yamna' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min an yukallif ba'da ashabihi ridwanallahu alayhim ba'da mawti wahidin min as-sahaba ridwanallahu alayhim an yajtama'u wa yaqra'una surat al-ikhlas hadha al-qadr madha alladhi kana yamna' la shay idhan fayakunu at-tark as-sunnah wa yakunu al-fi'l bid'ah. Donc qu'est-ce qui empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait des sahaba qui sont décédés du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de ghazwat badr ou bien ghazwat uhud, ou même qui sont décédés, d'accord, en dehors des batailles. Qu'est-ce qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses compagnons de se réunir D'accord ? Voir quelques compagnons se réunir et de lire sur celui qui est mort le Coran. D'une part, le Coran a été révélé pour qui ? Pour les vivants. Allah Azza wa Jal dit « لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا » pour avertir ceux qui sont vivants. Et non pas pour les morts. Le mort, ça y est, il est mort. La seule chose qui peut entendre le mort, c'est lorsque on l'emmène là on va l'enterrer, là, dans le cimetière, il va entendre juste les pas. Il entend juste les pas de ceux qui l'emmènent. Il entend que ça. Le Coran, il ne va pas l'entendre. D'accord ? Et donc, avoir ce but-là, rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses compagnons de se réunir et de lire le Coran pour lorsqu'il y avait un mort. Donc, rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire, alors que ça aurait été possible de dire. Mais il ne l'a pas fait. Donc, lui, il l'a délaissé. Donc, si tu le délaisses, tu suis la sunna. Mais si tu le fais, tu fais une bédah. D'accord ? Donc, ça, c'est la sunna tarkiya. Donc, la définition. Tark al-murad, هو الترك الوجودي وينتفي المانع من فعله ومع ذلك يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'il a délaissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quelque chose que il avait les moyens de faire, mais il l'a délaissé sans que rien ne l'en empêche. Ça, c'est très important, le sans que rien ne l'en empêche. Le dernier point qu'on voit aujourd'hui, on arrête. Inch'Allah. Si j'avais dit une heure, d'accord. Sans que rien ne l'en empêche. Sans que, donc, c'est délaisser une chose, voilà. La sunna tarkiya, c'est quoi ? Délaisser. La sunna, d'accord ? Du délaissement. La sunna du délaissement, on va dire. D'accord ? C'est le fait que rien n'empêchait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire telle chose. D'accord ? Mais, donc, rien ne l'en empêchait. Mais malgré cela, il l'a délaissé. D'accord ? Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé, malgré que rien ne l'en empêchait, si toi aujourd'hui tu le délaisses, tu suis la sunna, mais si tu le fais, tu es dans l'innovation. Rappelez-vous de l'innovation, le danger, c'est que les anges mettront une barrière entre les innovateurs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Lorsque les musulmans voudront boire de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges diront « tu ne sais pas ce qu'ils ont changé, modifié après toi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « loin de moi, suhqan, suhqan, liman baddala wa ghayr ». Les prédicateurs aux portes de l'enfer et les innovateurs viennent avec certaines shubha. Al-masalih al-mursala. Qu'est-ce que c'est al-masalih al-mursala ? Ils vont vous dire par exemple, vous voyez, regardez, vous avez des livres de hadith, vous avez le Coran, et ça c'était pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, barakallahu fikum. Bon. Nous, ce qu'on parle là, ce sont les actes d'adoration, on est d'accord. Donc, al-masalih al-mursala, c'est ce qui concerne la législation, al-shar, allati la ya'ti dalilun mu'ayyinun bi'atibarihi wa la bi'ilgha'ih. Lidhalika summiya muwafaqa limaqasid al-shar. D'accord ? Donc, je vais traduire ça, inshallah. La ya'ti dalilun bi'ilgha' wa la ya'ti dalilun bil-ithbat. ومن هنا قيل لهم مرسلة مثل جمع الصحابة لكتاب الله تبارك وتعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب الأحاديث. D'accord. Donc le masalih al-mursala, c'est quoi? C'est que il n'y a aucune preuve qui interdit telle chose ou qui le permet, qui dit que cela est pris en compte, qui le permet ou qui l'interdit. C'est pour ça que c'est en accord avec, d'accord ? C'est pour ça que c'est en accord avec la législation. C'est pour ça que c'est en accord avec la législation. Omar ibn Khattab, lorsqu'il a voulu réunir le Coran, donc le Coran et les hadiths, contrairement à ces prédicateurs aux portes de l'enfer qui essaient de donner des doutes à la communauté, en disant que les hadiths n'ont jamais été écrits du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné un compagnon, un sahabi, pour écrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'au départ, il disait à ses compagnons d'écrire que le Coran. Il ne laissait pas les hadiths pour éviter qu'ils mélangent avec les hadiths le Coran. D'accord ? Puis il a désigné, comme il y avait un sahabi qui voulait écrire, il l'a désigné pour écrire cela. D'accord ? Et donc, c'était écrit du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était déjà écrit. Il a voulu rassembler le Coran. Suite au meurtre de plusieurs compagnons qui mémorisaient le Coran. D'accord ? Et par crainte que, yani, comme ceux qui mémorisaient le Coran, beaucoup d'entre eux étaient décédés. Et donc, ce qu'il y avait, c'est qu'ils préféraient qu'ils réunissent le Coran pour qu'il y ait donc, hein, ce qu'au livre qu'on a aujourd'hui, d'accord ? Où est-ce que tout le Coran est réuni ? D'accord ? Le Coran est réuni. Et donc, vous savez que pour chaque verset, d'accord, il devait y avoir deux témoins. Deux témoins. Mais il y avait un compagnon qui avait reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il manquait un verset dans Sourate Al-Ahzab, si je m'en souviens bien, c'est Sourate Al-Ahzab. Et ce qu'il y avait, c'est que ce compagnon-là avait reçu la tazkiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que son témoignage comptera pour deux. D'accord ? Donc, ça, c'est rien ne l'en empêche et rien ne l'interdit. Rien ne l'en empêche et rien ne l'interdit. D'accord ? C'est pour ça que vous avez les kutub de hadith, le Qur'an. D'accord ? Donc les gens, ils ne peuvent pas utiliser ça en disant qu'on a le droit de faire des innovations. D'accord ? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Donc ça, c'était sur la concrétisation du suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.